Chapitre 29e. Le comte de Marnay est inquiet. De retour au château de Briailles, le comte de Marnay s'empressa de demander des nouvelles de la santé de sa cousine. Alice, lui répondit-on, n'allait pas mieux. Et si demain cet état persistait, on ferait venir le médecin. En montant dans sa chambre s'habiller pour le dîner, le comte eut un frémissement de terreur en constatant la disparition de la malle, la précieuse malle. Vivement, il sonna le valet de chambre. Gabriel s'empressa d'accourir. « Il me manque une malle, » dit de Marnay. Gabriel eut l'air abasourdi. « Il manque une malle à monsieur le comte ?»« C'est impossible, je ne m'explique pas. »« La malle qui était ici, vous l'avez vue, fermée. »« En effet, elle manque ? » ?»« Elle n'y est plus. »« Ah, c'est extraordinaire. »« C'est vous qui avez descendu les malles de ces messieurs ?»« Oui, monsieur le comte, mais je me suis fait aider par les autres domestiques, par les ordonnances. » Gabriel s'écrie alors. « Ah, je comprends. » Je vois comment cette erreur a pu se produire. L'un d'eux, en voyant la malle de monsieur le comte fermée, a pensé qu'on devait la descendre aussi, et il l'a fait charger. Ça doit être cela. « Combien avez-vous fait emporter de malles ? » ?»« Deux grandes, trois petites, comme celle qui manque à monsieur le comte, et deux valises. »« Trois petites malles, dites-vous. » »« Oui, monsieur le comte, j'en suis sûr. » Le comte de Marnay respira. « Alors c'est cela. Ma malle est en route pour Paris. Elle fait partie des bagages de ces messieurs. » Ils n'avaient chacun qu'une malle comme la mienne. C'est bien, merci. » Le comte de Marnay savait maintenant que la malle, s'il en était ainsi, se trouvait en bonne main et ne courait aucun risque. Demain, il recevrait certainement de ses amis un télégramme ou un mot le rassurant sur ce point. Et il ne se montra nullement inquiet, réservant son air anxieux pour l'état de sa cousine, dont il se préoccupait affectueusement. Prévenu par télégramme, le docteur Robert se trouvait à la villa de Neuilly quand l'automobile du détective fit son entrée avec les précautions d'usage. Paulin Broquet fit aussitôt transporter la précieuse malle dans son cabinet de travail pendant qu'il se débarrassait de sa défroque de douairière. Il examina sans plus tarder les serrures et dit « Oh, oh, pas facile à ouvrir. Le comte est un homme de précaution. » Mais ce qui n'est pas facile pour tout autre est un jeu pour Paulin Broquet. Il prit dans un tiroir de sa table à écrire un petit trousseau, choisit plusieurs fines lamelles d'acier de différentes formes, les réunit par une bague à vis qu'il serra doucement. Cela formait une sorte de clé encore informe qu'il introduisit dans la serrure. Il donna quelques tours de pression et retira la clé. Les lamelles avaient joué, s'étaient mises en place et affectaient déjà une forme de clé de sûreté à dentelure spéciale. Paulin Broquet l'étudia. Il remplaça quelques lamelles et de nouveau introduisit cette clé à transformation. « Ça va, » fit-il. Alors il serra fortement la bague à vis. Puis il donna un tour complet. Le déclic se fit entendre et la patte qui mordait dans la serrure se souleva automatiquement. « Pas plus malin que ça, » fit le détective. La seconde serrure fut également ouverte avec la plus grande facilité et la malle livra son précieux secret. Paulin Broquet en fit retomber en arrière le couvercle. Dans le compartiment du dessus, la malle contenait du linge, des effets comme toute malle loyale. Mais, sous ces effets, Paulin Broquet découvrit une petite casserole en nickel qu'il n'est pas d'usage courant de rencontrer dans des bagages de gentleman. « Ah ! » fit le détective. « Voilà le commencement. Voyez, docteur, le fond de cet ustensile culinaire montre des traces noires bleues qui indiquent une mise au feu récente. Or, comme le comte de Marnay n'avait pas affaire dans sa chambre, au château de Briailles, chauffer de l'eau pour sa barbe ou préparer du thé. L'eau qu'il y a fait bouillir lui servait à toute autre chose. Nous allons en avoir, je gage, l'explication immédiatement. Continuons notre perquisition. Sous ce compartiment se trouvaient des casiers à chapeaux. Il y avait en effet des couvre-chefs, un gibus, un chapeau de paille, un chapeau de feutre. Et puis, roulé, plié, un de ces chapeaux souples, très légers, très minces, qu'on appelle généralement frivole. Avec précaution, Paulin Broquet sortit ce frivole, il le déroula et découvrit une boîte recouverte de maroquins ayant la forme d'un portefeuille d'une trousse portative de médecin. « C'est là, dit-il, c'est là-dedans que se trouve le secret de cet angoissant mystère. » Il pressa un bouton et la boîte s'ouvrit. Elle contenait trois tubes de verre fermés à l'une des extrémités par un léger tampon de coton que retenait une gaze serrée sous une bague en caoutchouc. « Ce sont des tubes à expérience, » dit le docteur Robert, « des tubes de laboratoire. »« Des tubes à bouillon de culture, n'est-ce pas ? Autrement dit, des familles hôtels pour microbes. »« C'est cela. Regardez, docteur. Ces tubes de laboratoire doivent contenir des moustiques endormis. » Le docteur prit les tubes. Il alla la croiser pour mieux en examiner le contenu, puis avec terreur il s'écria. « Oui, des moustiques, mais ce ne sont pas les vulgaires culex européens, ce sont les terribles anopheles, les épouvantables stégomia. Ce sont les propagateurs impitoyables de la fièvre paludéenne, de la fièvre jaune, du vomito negro, de la peste. » « Parfaitement. Eh bien, docteur, c'est avec ces insectes plus traîtres que le poison, plus sûrs que le poignard, que le comte de Marnay a commis ses assassinats. C'est odieux. » Paulin Broquet reprit. « Vous ne vous étiez pas trompé dans vos recherches, docteur, et vous aviez bien reconnu le terrible mal qui a emporté la jeune sœur d'Alice de Briailles. Mais légalement, la police demeurait impuissante. L'assassin échappait. Son crime médical, si je puis ainsi dire, le préservait, car la preuve était impossible à apporter. En effet. C'est cette preuve qu'il me fallait, que je suis allé chercher, que j'ai pu me procurer, dont je fournis moi-même une des bases les plus sérieuses, irréfutables. Nous tenons désormais non seulement les instruments du crime, si l'on peut ainsi dire, mais aussi une victime qui peut témoigner. Une victime, Alice de Briailles? Non, docteur, moi. Vous? Oui. » Le détective, en quelques mots, mit Robert au courant de ce qui s'était passé au château de Briailles. Le soir où j'ai compris que l'assassinat, c'est le mot exact, devait avoir lieu, j'ai pris la place de la victime désignée, et c'est moi qui étais atteint. « Malheureux, vous cherchez la mort !» Simplement, Paulin Broquet répondit. « C'était en garantir cette jeune fille. Vous êtes admirable. Je faisais mon devoir. » Étendant au docteur la petite boîte en nickel, il dit. « Voici les stégomia qui devaient tuer Mademoiselle de Briailles. Je les ai recueillis dans sa chambre. » Et il ajouta. « Cueillis sur moi. Maintenant, docteur, prenez votre bistouri. Faites-moi une entaille au bras et recueillez de mon sang. Pourquoi ? Parce que je suis empoisonné, parce que je porte en moi les microbes de la peste. Vous allez les rechercher, les découvrir et signer le procès-verbal de vos études. Vous n'avez pas pris de sérum ? Si, mais de longues heures après les piqûres, pour donner le temps à l'évolution des microbes de se faire, je devais vous apporter cette preuve. » Rapidement, le docteur Robert pratiqua une saignée, recueillit du sang, puis, près des boursouflures très apparentes au bras, des ganglions déjà engorgés. « Maintenant, docteur, dit Paulin Broquet, gorgez-moi de quinine, car la fièvre me gagne. Il ne faut pas que je sois malade en ce moment. Si j'en ai la force, je retournerai là-bas. » Dans la journée, Paulin Broquet, toujours incognito, alla conférer avec son chef et le juge d'instruction urbain. Le crime était nettement établi. On délivra au vaillant détective le mandat d'arrêt concernant le comte de Marnay, lui laissant la latitude d'agir comme bon lui semblerait pour s'emparer du criminel, sans toutefois causer d'ennui au malheureux marquis de Briailles, qui avait assez de deuil, de peine dans sa famille, sans être encore frappé par cette honte. Au château de Briailles, le comte de Marnay se montrait moins gai, moins souriant que de coutume. Depuis le départ de ses deux amis, il se sentait envahi par une sorte d'inquiétude que toute son habileté de comédien n'arrivait pas à dissimuler. Il avait expédié à Paris plusieurs dépêches, en avait reçu également qui semblèrent augmenter son anxiété. Le baron du Jard et le majestueux baron Dupont lui avaient répondu qu'il ne s'était nullement chargé de la malle, dont la disparition extraordinaire le mettait dans cet état fébrile. Malgré les recherches qu'ils firent opérer au chemin de fer, on ne put retrouver trace de cette malle. Le cas devenait extrêmement grave pour le comte de Marnay. Il affecta cependant de n'y attacher aucune importance, mais n'y tenant plus, il annonça le surlendemain qu'il devait pour une affaire urgente se rendre à Paris, où d'ailleurs, affirmait-il, il ne resterait que 2 jours, 3 au maximum. Et il pria le capitaine de Casaumont, futur mari d'Alice, futur maître de la maison, de le remplacer pendant cette absence auprès des hôtes du marquis. Il dit au valet de chambre de venir l'aider à faire sa valise, car il se contentait d'une simple valise pour cette courte absence. Gabriel monta donc avec le comte dans la chambre et sous sa direction empila dans cette valise quelques objets de toilette. Le comte ferma la valise, il prit son manteau de voyage sous le bras et dit au valet de chambre « Descendons ». Il passa devant. Au moment où il mettait la main sur la pomme de la porte pour ouvrir, cette porte s'ouvrit brusquement et un homme parut. À la vue de cet homme, le comte de Marnay recula, terrifié, s'écriant « Paulin Broquet !»